La Russie est prête à construire des mini-centrales nucléaires en Afrique. Il y a déjà des négociations, donc c'est un investissement. Évidemment que les pays en question n'ont pas les moyens de se le payer, donc la Russie se paiera. C'est un terme d'investissement russe qui sera payé par la vente d'électricité en coopération. Voilà. Ça, c'est de l'investissement productif qui va donner, qui va apporter de la souveraineté à l'Afrique. L'énergie, de toute manière, c'est à mon avis aujourd'hui encore plus important que la main-d'œuvre. Et en plus, il y a toutes ces structures qui se mettent en place, comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont des structures ouvertes où il y a déjà des pays africains. Bah, évidemment, les BRICS, un des pays fondateurs, c'est Afrique du Sud. Donc ce sont des structures ouvertes, non hiérarchiques, qui se veulent être des espaces de prospérité. Et évidemment que les pays africains doivent trouver leur place.